Quand reviendras-tu, amour? Quelque part dans la rue, un jour. J'ai dans le cœur une gravure, un sillon, comme une déchirure. J'ai dans le cœur une gravure, un sillon, comme une déchirure. C'est peut-être foutu pour toujours. Quelque part dans la rue, un détour. D'heure en heure, ça perdure. Une passion, comme une aventure. D'heure en heure, ça perdure. Passion, comme une aventure. C'est un corps mis à nu pour toujours. Quelque part dans la rue, à rebours. J'ai dans l'humeur une cassure, une vision, comme un eau futur. J'ai dans l'humeur une cassure, vision comme un eau futur.